Première partie, chapitre 23e de l'introduction à la vie dévote. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Grégory Kinlen. Introduction à la vie dévote par Saint François de Sales. Première partie, chapitre 23e. Qu'il faut purifier l'âme de toute affection aux choses inutiles et dangereuses. Le jeu, le bal, les festins, la comédie, et tout ce qu'on peut appeler les pompes du siècle, tout cela, dis-je, n'est nullement mauvais de soi-même et de son fond, mais indifférent, et se peut prendre bien ou mal. L'usage, néanmoins, en est toujours dangereux, et l'affection qu'on y prendrait en augmenterait beaucoup le danger. C'est pourquoi je vous dis, Philothée, qu'encore que ce ne soit pas un péché qu'un jeu réglé, une danse modeste, une riche parure d'habit, sans aucun air de sensualité, une comédie honnête dans sa composition et dans sa représentation, un bon repas, sans intempérance, cependant l'affection qu'on y aurait serait entièrement contraire à la dévotion, extrêmement nuisible à l'âme et dangereuse pour le salut. Ah, quelle perte que d'occuper son cœur de tant d'inclinations vaines et folles qui le rendent insensible aux impressions de la grâce et qui le consument tellement qu'il ne lui reste plus ni force ni application pour les choses sérieuses et saintes. Voilà justement la raison pour laquelle, dans l'Ancien Testament, les Nazaréens s'abstenaient, non seulement de tout ce qui peut enivrer, mais encore de manger du raisin, et même du verjus. Ce n'est pas qu'ils crussent que ni l'un ni l'autre les pût enivrer, mais ils appréhendaient le danger qu'il y avait qu'en mangeant du verjus, il ne leur prît envie de manger du raisin, et qu'en mangeant du raisin, ils ne fussent tentés de boire du vin. Je ne dis donc pas que nous ne puissions jamais, dans aucune occasion, user des choses dangereuses, mais je dis que nous ne pouvons jamais y avoir le cœur porté sans intéresser la dévotion. Les cerfs qui sont trop en venaison se retirent dans leur buisson, y observent une manière d'abstinence, sentant bien que leur graisse leur ferait perdre l'avantage de leur agilité s'ils étaient poursuivis par les chasseurs. Et c'est de cette sorte que l'homme, chargeant son cœur de toutes ses affections inutiles, superflues et dangereuses, perd les bonnes dispositions qui lui sont nécessaires pour courir avec ferveur et avec facilité dans les voies de la dévotion. Tous les jours, les enfants s'échauffent à courir après des papillons sans que personne ne le trouve mauvais, parce que ce sont des enfants. Mais n'est-ce pas une chose ridicule, et tout ensemble déplorable, de voir des hommes raisonnables s'attacher avec empressement à des bagatelles aussi inutiles de celles dont nous parlons, et qui, outre leur inutilité, se mettent en danger de se dérégler et de se perdre? Ainsi vous, Philothée, dont le salut m'est si cher, je vous déclare la nécessité qu'il y a de dégager votre cœur de toutes ces inclinations, car bien que les actes particuliers n'en soient pas toujours contraires à la dévotion, néanmoins l'affection et l'attachement qu'on y prend lui cause toujours un grand préjudice. Fin du chapitre 23e. Première partie.